À l'occasion du 105e anniversaire de naissance de Tristan Gimelson, a eu lieu le 13 sur la colline Mangyong, l'exposé de poésie et de chants des permanentes et membres de l'Union des femmes coréennes sous le thème « Chansons de Mangyongbae ». Y ont assisté Lee Il-fan, chef de département du comité central du Parti du Travail de Corée, les permanentes de l'Union, ainsi que les membres de l'Union de la ville de Pyongyang.